Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue à cet épisode 41 du Lobster. Oh, que la belle saison approche, et qui dit beau temps dit saison du chalet. Mes parents étaient justement au chalet ce week-end avec mon frère et le constat est que la neige fond rapidement, car oui, il semble qu'il reste encore un deux pieds de neige dans les forêts autour du chalet à Lens-Saint-Jean. Mais avec les chaudes températures de cette semaine, ça devrait partir rapidement. Donc, dès que c'est fondu, la belle saison va pouvoir commencer pour moi. J'ai déjà hâte d'aller me promener en forêt. On reçoit justement notre livraison d'arbres pour le chalet ce week-end qui arrive. Les arbres fruitiers qu'on a commandés de pépinières ancestrales, des pommiers, des chumes, mélange de cerisiers et de prunes, des plantes framboisiers jaunes, rouges, noirs et autres arbres que mon frère a ajoutés à la commande vont nous être livrés via les urbainculteurs de Québec ce samedi. C'est mon frère qui habite à Québec qui va aller chercher les arbres et on les plantera quand on pourra au chalet. Cette commande d'arbres est probablement la dernière qu'on va arriver à planter sans devoir faire plus d'espace sur le terrain. Le champ au chalet est pas mal tout entamé, l'espace commence à être plus limité, mais notre forêt est grande, on a débuté le défrichement de nouveaux espaces, on n'a pas l'intention de s'arrêter d'agrandir de sitôt, donc ça fera partie des projets de reconquérir du terrain sur la forêt qui a envahi un champ que mon grand-père cultivait à l'époque. On va prendre le temps de faire ça durant la belle saison. Cette année, je veux aussi agrandir la pivoinerie. Ma mère a encore 70 pivoines à leur maison à Chicoutimi. On va les amener au chalet avec nos autres. Il y a 200 ou 300 graines que nous avons semées l'automne dernier qui ont maintenant passé un hiver dehors. Donc cette année, ces graines devraient se faire des racines et l'année prochaine devraient laisser apparaître une première pousse. Le cycle est long, il faut 7 ans avant d'obtenir une pivoine quand on part de la graine. Cette année, on doit aussi construire notre garage au chalet. Le bois est commandé, ça va être la construction de l'été avec le four à pain et le bassin d'eau que mon plus vieux garçon veut construire. Donc, j'ai déjà hâte qu'on démarre tous ces projets. En attendant, on démarre ce Lobster avec un peu de musique. Mais cette semaine, ouf! Un épisode un petit peu déjanté. Même si je sais pas exactement ce que veut dire déjanté. Mais je crois quand même que ça le sera cette semaine. On fait un petit retour en arrière parce que je me suis mis à jouer dans mes vieilles cassettes. Et comme j'avais l'habitude d'enregistrer des émissions complètes de la radio communautaire, on va faire un petit bond dans les années 90, avec une première cassette de 1997 où on entend une émission de la radio communautaire CIBL que moi j'écoutais à Sherbrooke cette année-là, durant mes études. Donc je laisse l'animateur se présenter et vous présenter la prochaine chanson qui va jouer dans ce Lobster 41.0. Donc retour en arrière à la découverte de choses que seule la radio communautaire savait nous faire découvrir. Et au retour, je vous présenterai une de mes émissions favorites du temps qui est sur une autre cassette que je dois reculer en espérant retrouver Mimi la Twisteuse. Donc à tantôt pour cet épisode du Lobster qui risque d'être déjanté et qui risque de sonner la cacane à certains moments. C'était Apathetic Nation, un ancien groupe de Sherbrooke avec la pièce Futur Noir. Avant, c'était les Specials avec Ghost Town, Berruria Noir avec Nada et Manifeste 2, Le Noir, les Horreurs. Et on avait commencé avec Placebo et les Mulots. Vous écoutez toujours l'émission Diaphonie. Et on va poursuivre immédiatement avec les Porte-Manteaux et le Jardin de la Misère. Passer folle Les porte-manteaux avec la pièce Elsa Fräulein. Bon, l'animateur caverneux qu'on a entendu nous avait présenté la pièce Le Jardin de la Misère, mais je n'ai trouvé aucune copie de cette chanson qui sonnait assez bien pour être jouée dans notre podcast. Donc, on est allé avec cette autre chanson qui a été le plus gros hit des porte-manteaux, avec des ventes de 150 000 exemplaires à l'époque. Mais qui étaient les porte-manteaux? Je ne les connaissais pas. À l'époque où je l'ai entendu dans l'émission communautaire, je n'ai probablement pas eu plus de réponses. C'était pas mal les débuts d'Internet. Netscape est arrivé en 94 et là, on parle d'une émission du 8 janvier 99, d'après ce que j'ai entendu un peu plus loin sur ma cassette. Donc, c'est encore l'époque où c'était encore très limité quand tu cherchais de l'information sur quelque chose. Il n'y avait pas de Wikipédia à notre disposition. Maintenant, on n'a plus ces limitations. Internet a pas mal la réponse à tout. Si tu veux savoir la hauteur de la tour de Pise, tu peux probablement le demander à Siri ou Alexa et tu vas avoir la réponse en 2 secondes. Dans les années 90, si je m'étais posé la question, probablement que j'aurais abandonné avant d'avoir la réponse. Sauf bien sûr si j'avais pas été trop loin de la bibliothèque et que j'avais eu le courage d'aller fouiller dans un atlas ou de quoi du genre. Mais maintenant, on s'entend qu'on se casse plus la tête comme ça. Donc, qu'est-ce que nous dit Wikipédia sur les porte-manteaux? C'est un groupe de punk français originaire de Paris. Leur chanson la plus connue fut Elsa Fräulein, qu'on a entendue et qui a été composée en l'honneur du film érotique Elsa, la louve DSS. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En 2 secondes, j'ai l'info et si j'avais eu le temps, je pourrais lire les 20 pages supplémentaires qui en rajoutent sur ce groupe. Mais est-ce que cette info est vraiment utile? Probablement pas. Et le problème avec cette abondance d'informations, c'est que des fois, on bifurque grave. Juste là, comme mon intérêt sur ce groupe était proche du point mort, j'ai rapidement bifurqué vers le film Elsa la louve DSS. Je me demandais c'était quoi. Je sais vaguement que c'est un classique dans le domaine des films érotiques. Je l'ai probablement jamais vu. Je suis allé voir la bande-annonce et là, ça m'a rassuré, je l'ai vraiment jamais vu. Je voulais nous la faire jouer dans le podcast, mais non, c'est trop effrayant. Ça semble être un film d'horreur plutôt qu'un film érotique. Le genre de film que j'écouterai sûrement pas. Donc, en 99, je n'aurais probablement pas fait ce détour. Je me serais contenté d'écouter mon émission sans ce long détour par le film érotico-horreur. Voilà! Poursuivons donc notre incursion historique dans l'univers de la radio communautaire. Cette fois, allons-y avec une émission que j'aimais bien, avec une animatrice très dynamique comparée à notre caveman de tantôt. Dans le garage! Alors twistez avec Mimi si vous osez! Rated R. Under 17, not admitted without parents. Oui, je voulais vous parler de cette émission, Dans le garage. C'était l'une de mes émissions préférées. Je suis en train de vérifier si j'ai plusieurs cassettes de cette émission. Mais les retrouver, c'est pas évident quand j'ai pas toujours écrit sur la cassette ce qu'elle contient. Je suis donc obligé de me taper du recul avant sur mon lecteur de cassette vieillot. Et à l'ère du MP3 où on peut placer le curseur où on veut, je peux vous dire que j'ai besoin d'une bonne dose de patience pour jouer dans mes cassettes. Disons qu'on n'est plus habitué à ça. Et de quoi parlait cette émission Dans le garage que je veux vous faire découvrir? Eh bien, ça parlait de... Ah non, je laisse l'animatrice vous le dire. Qui de mieux que Mimi la Twisteuse pour vous l'expliquer avec sa voix charmante? Bonsoir et bienvenue à l'émission Dans le garage. Je suis votre hôtesse jusqu'à 22h, Mimi la Twisteuse. Comme tous les vendredis à 21h, pour votre émission préférée de musique 60s et de yéyé et de groupes et de filles et de tout ce que vous aimez. Et ce soir, il y aura des groupes tout à fait récents, des nouveautés. Il y aura des new beats du Japon et un petit spécial japonais-asiatique. Les Falcons, les Têtes Blanches de Nando-Trek, Jalen Hills avec les Chaussettes Noires, avec New York, Eddie Mitchell, France Gall, comme d'habitude, les Green Hornets, les Boyettes de l'Australie. Et on va commencer avec une gentille petite pièce, une demoiselle qui s'appelle Carrie Garrett et la pièce The Boy on the Drums dans les carrières. C'est 4. Alors, à l'émission Dans le garage, c'est l'heure, nul autre que les yéyés, les francophones. Alors, je vous ai toutes nommé ce qu'on entend. Je vais pas recommencer. France Gall, Sophie, Jalen Hills, les Chaussettes Noires, Donald Lautrec, finalement, je vous les renomme, évidemment. Les Têtes Blanches et les Différents. Et je voudrais remercier sincèrement, avant de commencer le tout, toutes les personnes qui appellent ce soir pour m'encourager et me dire qu'ils aiment bien ce qu'ils entendent. Et vous pouvez faire de même au 343-CISM, 343. 2466, voici les Différents avec une pièce qui n'est pas sur Rumble, la compilation de groupe québécois qui est parue il y a 4 ans, 5 ans, même plus que ça. C'est une autre pièce, c'est la pièce Je t'aime. Je t'aime dans le garage. Depuis que tu m'as délaissé, tu peux m'empêcher de penser. Que mon amour je t'avais donné, mais tu ne l'as pas accepté. Pourtant je t'aime, oui je t'aime, tu le sais bien. Pour toi je donnerai ma vie, mais à présent tout est fini. N'attends pas que j'ai les cheveux gris, et que ma vie soit bien finie. Parce que je t'aime, oui je t'aime, tu le sais bien. Quand tu dis que tu pars pour longtemps, je sais que ce n'est qu'un jeu d'enfant. J'avoue que je ne t'ai pas vu souvent. Reviens et je serai différent. Parce que je t'aime, oui je t'aime, tu le sais bien. Mon amour tu n'as pas voulu, en mon amour tu n'as pas cru. Maintenant tu sais que je suis perdu et que je suis seul dans la rue. Pourtant je t'aime, oui je t'aime, tu le sais bien. Pourtant je t'aime, oui je t'aime, tu le sais bien. Pourtant je t'aime, oui je t'aime, tu le sais bien. J'ai terminé de numériser la cassette de cette émission de Dans le garage, mais là, problème, mon radiocassette a trouvé ça trop dur de faire jouer une cassette de 90 minutes. C'est la mort. C'est la fin de mon spécial radio communautaire. Maintenant, dès que je choisis de faire jouer une cassette dans mon radio des années 70, il y a un bruit de mort qui sort d'un des haut-parleurs et qui gâche tout. Pour ceux qui se souviennent, les cassettes 90 minutes étaient très pratiques pour enregistrer de longues émissions, mais avaient tellement de rubans que certains radios en arrachaient. Eh bien, je pense que c'est ça qui vient d'arriver au mien. Bon, j'en ai un deuxième au garage, un autre radio, mais il est comme cloué après mon établi. Ça va être compliqué pour numériser d'autres émissions, car j'ai pas l'intention d'investir là-dedans. C'est moche car ce radio, je l'avais acheté, car en plus de jouer les cassettes qu'on connaît bien, il joue aussi les cassettes 8 pièces, les grosses cassettes d'Elvis ou autres. J'en ai une centaine au garage, mais encore là, j'ai eu le même problème. J'avais des cassettes 8 pièces trop vieilles avec leur ruban collé. J'ai brisé le lecteur. En plus, c'est le deuxième lecteur du genre que je brise. Donc, soit mes cassettes sont pas très bonnes, ou bien, autre théorie qui me vient en tête, peut-être que je me fais refiler de la Kaamelott à chaque fois, car j'achète toujours mon équipement au même kiosque au marché Saint-Michel. Le même vieux monsieur qui me dit qu'il répare ce genre d'appareil. Il m'a aussi vendu mon premier tourne-disque qui a lâché la première semaine et que j'ai dû lui rapporter. Donc, il y a des bonnes chances qu'on vient de trouver la source du problème. Donc, pour le spécial radio communautaire, je vais devoir me reprendre. Dès que je me retrouve un radio qui fonctionne et qui me permet de numériser mes cassettes, je vais refaire ce spécial. Donc, pour l'instant, on poursuit en musique dans le Lobster avec plein d'autres surprises. Hey, les gens à la maison, on se fait une petite affaire de fun. Les lumières, vous voulez flasher, on va y flasher. Puis inquiétez-vous pas, c'est juste pour le fun de le faire. On se casse. Oh, il y a une madame qui a écrit quoi dans la presse cette semaine que j'ai bien aimé. Elle dit, ça fait 6 ans que mon voisin reste en flash, je l'ai jamais vu de ma vie. Puis elle dit, depuis qu'on flash les lumières, quand on va travailler le lundi matin, on se fait un beau sourire puis on s'envoie la main. Ah, c'est le fun, juste ça. OK. On le fait, OK? Colin, il est déjà 9h-5. On va finir ça en beauté. Là, si je me fie aux fax, la police embarque avec nous autres, les hôpitaux embarquent, les pompiers, la STCUM. Allez-y, il y a même un gars. Je sais pas si je vais te mettre dans le trou, mon petit monsieur. Il y a un gars de la baie James qui m'a appelé. Il a envoyé un fax, un gros signe de l'hydro. Il marquait, on est prêt, Jean-Marc, vas-y. Puis lui, il me dit, je peux faire de quoi si tu veux, je peux délester une ville au complet. Bravo. quelle mauvaise idée! Nous autres, on était là. Tu sais, nous autres, l'équipe, on lisait le fax, puis on riait, on dit, voyons donc, tu vois-tu ça? Surtout ceux qui nous écoutent pas sont après travailler sur l'ordinateur. Regarde par la vitre, c'est l'autre bord de lumière flash, puis les autres, ils en ont pas. C'est bien le fun dans notre tête, mais en réalité, mais je te remercie beaucoup pareil. Ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est quelque chose qui dérange personne, comme fermer toutes les lumières de la vin, ça. Dérange pas personne. Tu t'en vas, tu glisses parce qu'il y a une tempête, t'as coup, pouf! Oh non, fuck! Finalement, on va chercher d'autres choses. Là, on a envoyé un remote à quelque part, je ne sais pas. Peut-être que. On les fait. Préparez-vous à la maison. On le fait. Ceux qui n'ont pas le goût, restez assis, c'est tout. On prend notre petit piton. On va flasher lumière sur quelque chose de le fun. Hey! C'est à Saint-Valentin, pour tout le monde. Ceux qui ont le goût de s'embrasser à la maison, peu importe, deux gars, deux filles, on s'en fout. Si vous vous aimez, si vous vous aimez, c'est ça qui compte. Peu importe l'âge qu'on a, on s'embrasse. C'est le temps de se le dire, qu'on s'aime un peu. Moi, je vais penser la dernière blonde que j'ai eue, comment elle embrassait. Moi, je vais penser à ça. Ceux qui sont à la maison, faites pareil. OK, prends-la comme faut. Attends un peu, attends, pas de suite. On va faire clignoter lumière le temps que vous vous embrassez. Fait qu'étouffe-toi pas. Donne-nous au moins 15 secondes. Reg, parle-moi une belle toune, super love. Hey, parle-moi la toune des Beatles que tu passes après-midi, Can't Buy Me Love. Pas quelqu'un passe ça, nous autres sites, ben, faut danser. Écoute, faut bouger un petit peu. Deux, trois petites minutes, après ça, on arrête ça. Embrassez-vous, Reg, dès que le lèvre se touche, tu décolles ça dans le tapis. Thank you. gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. On vient d'écouter la chanson Supremacy Overlord, une chanson composée sur un Commodore 64 dans les années 90. Sinon, pour revenir un petit peu sur l'émission de Dans le garage avec Mimi la Twisteuse, je lui ai écrit pour lui dire que j'avais conservé de ses émissions et que si elle voulait se réécouter, je pouvais lui envoyer les copies numérisées. Bon, ça c'est avant que mon radio me lâche, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Soit que j'ai pas la bonne adresse ou qu'elle veut tout simplement pas se réentendre. J'ai vu qu'elle était devenue DJ et animait des soirées avec ce style de musique des années tranquilles. Elle a eu aussi un podcast, Mondo PQ, qui semble terminé, mais qui a vécu pendant plusieurs années. Donc, pour ceux qui ont aimé ce que vous avez entendu de Dans le garage, vous pouvez retrouver le même style de musique avec Mimi dans Mondo PQ. Voilà. Sinon, comme on a mis notre sujet principal à la poubelle, ou qui s'est mis tout seul à la poubelle, ce qui explique en partie le retard dans la sortie de ce Lobster, on va y aller avec des sujets plus d'actualité. Dans un précédent Lobster, je vous parlais des animaux célèbres et de Grumpy the Cat. Eh bien, il est mort. Il y a eu une infection urinaire et il en est mort. Et évidemment, ça en parlait à la radio et aux nouvelles. Ses revenus étaient estimés à plus de 125 millions de dollars grâce à des apparitions dans des films et grâce à des publicités et des produits dérivés. Quand même, pas mal pour un cholette qui était atteint de nanisme. Qu'est-ce qui est arrivé en mars 2019? Eh bien, sachez que la moitié de l'humanité, 4,1 milliards d'humains, ont accédé à Internet. Donc, même si on pense qu'Internet est rentré partout, il reste encore de la marge de manœuvre. Encore la moitié de l'humanité n'a pas encore accédé à ce monstre. Bonne chose, mauvaise chose? Si on prend le temps d'y penser un petit peu, je suis sûr que l'on peut trouver du bon et du moins bon de chaque côté. Mais avant, regardons le rapport Sandvine qui fait le point sur le phénomène Internet. Avec des sondes installées chez 150 des opérateurs Internet dans le monde, il nous donne un portrait assez réaliste de ce qui se passe sur Internet, en excluant l'Inde et la Chine où ils n'ont pas de données significatives. Donc, si on regarde juste le constat à haut niveau, il y a 58% de l'activité sur Internet qui sert aux vidéos. Netflix, à lui seul, est responsable de 15% de cette activité. Et avec l'arrivée du 4K et bientôt du 8K, ce pourcentage est appelé à augmenter. Amazon Prime et YouTube viennent respectivement en 4e et 5e place, et entre les deux, c'est les autres sites avec des vidéos divers. Parions que Pornhub et ce genre de site est là-dedans. Fait intéressant, que je trouve pertinent de vous mentionner, le rapport indique qu'une des tendances qui monte actuellement dans ce créneau est les appareils de fitness connectés. Il y a de plus en plus de gens qui se connectent en même temps à des événements de fitness et font du sport en même temps, ou qui utilisent un bicycle avec vidéo, lui provenant d'Internet. Le record pour l'instant, c'est avec Peloton All for One qui s'est déroulé en juillet 2018. Il y avait 18 000 participants live qui pédalaient, ce qui a représenté 14,4 TB de data. La gare, je ferai toc 5 ans. Toc 5 ans. Chiche, on en fait un. Oh! Hey! Ensuite vient le trafic Internet standard qui utilise 17% de la bande passante. Je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est peu intéressant. Ensuite, les médias sociaux, 5% du trafic. Ensuite, si on regarde ce que le rapport dit, il dit que 22% de l'activité Internet est liée au partage de fichiers. En fait, tout ce qui est téléchargement avec les torrents représente quasiment le quart du trafic. Donc, le partage de fichiers n'est pas mort. Le rapport dit que vu que les sources qui fournissent les vidéos se diversifient et qu'on n'a pas une place centralisée pour accéder à tout, alors beaucoup de gens se tournent encore vers les téléchargements illégaux pour ramasser tout ce qu'ils ont besoin. Si on regarde les statistiques plus régionalement, en Asie-Pacifique et Europe, c'est le partage de fichiers qui utilise le plus de bandes passantes, alors qu'en Amérique, ça tombe en deuxième place. D'autres tendances que je vois dans le rapport. Je vous les nomme en vrac sans vraiment suivre d'ordre. Il y a 50% de tout le trafic Internet qui est encrypté. Ensuite, au-delà des top 10 applications qu'on utilise tout le temps comme Facebook et Instagram, il y a des applications qui poursuivent leur progression, comme Alexa et Siri qui représentent chacun 0,05% de toutes les connexions. Ensuite, pour les joueurs de jeux en ligne, il y a une page de rapport qui s'attarde aux jeux les plus populaires. D'après vous, lequel amasse le plus de connexions? Je vous en nomme 5. Essayez de deviner celui qui se classe premier. Fortnite, Overwatch, League of Legends, Minecraft, PlayerUnknown's Battlegrounds. Eh bien, le numéro 1, je vous le dis pas tout de suite. Je vous les nomme en ordre inverse, du 10e plus populaire au premier. Donc, le 10e, c'est Clash of Clans. 9, Black Desert Online. 8, Warframe. 7, World of Warcraft. 6, Destiny. 5, PlayerUnknown. 4, Minecraft. 3e place, Overwatch. 2e place, Fortnite. Et en premier vient League of Legends, qui globalement dans le monde est premier avec 51% de toutes les connexions. Quand même, il est en tête de loin. Ensuite, pour les réseaux sociaux, qui, en termes de volume de bande passante utilisée, arrive en premier? Facebook ou Instagram? Bon, peu importe le gagnant, on tombe dans le même panier, car, comme vous le savez, Facebook avait racheté Instagram pour $1 milliard. Donc, le premier, c'est Instagram, qui est suivi de Facebook, mais on spécifie qu'au moment du rapport, les vidéos jouées dans Facebook n'étaient pas calculées. Mais peu importe, ils sont en tête de liste tous les deux. Ensuite, il vient dans l'ordre Snapchat, Tumblr, VK, Twitter, Odnoklassniki, un nom russe, Pinterest, Imgur, puis Youku. Bon, j'ai été quand même vérifier c'était quoi Odnoklassniki, et c'est un réseau social russe qui permet de retrouver ses anciens camarades. Un peu comme Facebook, j'imagine. Je m'appelle Funny Bear, je m'appelle Funny Bear, je m'appelle Funny, Funny, Funny, Funny, Funny Bear. J'ai un petit ventre mou et un slip kangourou. Je suis pas comme les autres, tout au moins je suis un petit loup. Oh yeah! Funny, funny, funny, funny, funny bear. Funny, funny, funny, funny, funny bear. Maintenant, pour le streaming audio, c'est Spotify qui arrive en premier, sans surprise. Et du côté des messages ou des communications en ligne, c'est Skype. Voilà, je vous ai résumé le rapport. Pour ceux que ça intéresse d'aller voir tous les détails, c'est le rapport Sandvine. Il y a un beau PDF qui se nomme 2018 Phenomena Report. Ok, là on part officiellement en musique, mais pas avec n'importe quelle musique. Des compositions que mon frère a fait. L'autre jour, il m'a montré son site où il stocke ses musiques. Je sais pas s'il prépare un album, mais c'est très bon à mon goût à moi. Donc je vous en fais écouter plusieurs. La première, ma préférée, c'est une reprise de la chanson thème de l'émission Gravity Fall, dont je vous avais déjà parlé dans un précédent Lobster, une série de bonhommes que j'ai écouté au moins deux fois avec mon plus jeune garçon, qui vaut vraiment le détour. Donc, on écoute ça. We'll be right back. Voilà, vous venez d'entendre ce que mon frère joue et prépare. Au début, je vous ai passé ses compositions les plus récentes, mais qui sont plus courtes. Il ne m'a pas partagé encore toutes les compositions au complet, juste les débuts. Question de ne pas se faire copier ses chansons, j'imagine, car je lui avais dit que c'était pour vous les faire jouer dans le Lobster. Les dernières, les plus longues, sont des compositions qui sont plus anciennes, là, qui ont déjà quelques années, que j'ai conservées avec le temps quand il me les envoyait. Évidemment, moi j'adore entendre ses chansons, c'est quand même mon frère, mais je serais curieux de savoir si vous avez aimé ça. Malgré que certaines étaient trop courtes, qu'on en aurait pris plus long. Moi, je le trouve pas mal bon, c'est pour ça que je lui ramasse tous les guitares pas chères que je trouve chez Renaissance. Il y en a plein chez lui, et la semaine passée, j'ai manqué le deal du siècle, une guitare électrique Fender ancienne vendue pour 25$ seulement chez Renaissance. Je suis arrivé une minute trop tard, le monsieur qui est entré juste avant moi l'a ramassé. Mais bon, c'est pas grave, je lui en ai déjà trouvé deux ou trois acoustiques qui ont fait son bonheur, donc je continue ma chasse pour lui. Voilà, je pense que c'est ma dernière intervention dans ce Lobster. Je pense qu'on va finir en beauté. Un peu de musique et cette semaine, si j'y arrive, je vous fais jouer tout le nouveau disque vinyle que j'ai acheté pour 3$ chez Renaissance. Je vous le fais jouer en dernier de tout. Pour ceux que c'est pas leur dada, vous pourrez arrêter quand ça commence. C'est facile à reconnaître, c'est le disque Astérix le Gaulois. Version mono, une histoire du journal pilote, le grand magazine illustré des jeunes. Juste la pochette de l'album est magique et mériterait d'être encadrée. On y voit Astérix, de bonne humeur, suivi de Obélix, et en contrefond, une bande de Romains qui se sont fait taper sur la tête. Ce genre de disque se vend assez cher chez les vrais marchands, même très cher, là, dans plus de 20$. Moi, j'arrive rarement à les acheter. C'est toujours des prix ridicules que je refuse de payer. Mais heureusement, Renaissance m'en sort un de temps en temps à un prix ridicule. C'est un peu comme les vinyles de Tintin. J'en ai ramassé quelques-uns aussi. Ce sont les histoires racontées. Le problème, c'est que ça prend de la valeur à cause des collectionneurs. Mais nous, ici, on veut juste l'écouter, donc je vous le fais jouer en fin de Lobster. Donc, bonne semaine, amusez-vous bien, profitez du beau temps qui est là. Justement à ce sujet, mon jeune garçon, lui, a déjà commencé à faire des nuits sous la tente. Ça fait déjà 2 soirs qu'il dort sous la tente. Il adore ça. Sa maman et moi, on lui a acheté une nouvelle tente vu qu'il passe son été dehors. Et il nous disait qu'il aime ça, dormir au frais et pouvait lire des BD sous la tente. Sinon, c'est aussi le temps de partir votre serre. Moi, c'est fait. Je l'ai rempli de piment fort, jalapeno habanero, thyme bomb et une dizaine d'autres sortes. Dans la serre, les plants reçoivent tellement de chaleur que ça me donne des gros plants remplis de piment que je fais sécher au soleil et au vent à la fin d'été et que j'accroche dans ma cuisine pour les broyer dans mes recettes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, bonne semaine et à la prochaine! le droit de faire ma chanson culturelle d'abord. Bon allez, on y va. Moi ce que j'aime dans les cavernes, c'est qu'on peut aller piocher. On peut extraire du minerai et des pierres pour les tailler. On n'est jamais emmerdé par les animaux crétins. Des fois on peut bastonner quand on tombe sur des gobelins. Puis on court à la taverne parce qu'on a bien travaillé. Et on s'enfile 40 pierres pour finir en train de gerber. Ouais, tralala. C'est mieux, hein. Enfin, un moment pour nous, Seigneur Perceval. Ouais, c'est sympa. C'est très gentil à vous de m'accorder quelques instants. Je sais que vous êtes très occupé. Ah bon? Qui c'est que vous a dit ça? Personne. Je suppose que les chevaliers de la table ronde ont beaucoup à faire, c'est tout. Mais ils font quoi, par exemple? Je sais pas. Ils vont combattre, ils rendent la justice. Ah, d'accord. Je me trompe? Non, c'est sûrement ça. Je les vois toujours fourgonner de tous les côtés. Je sais jamais ce qu'ils foutent. C'est un peu délicat. Je voudrais pas vous paraître inconvenante. Ça risque pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah bon? Alors du coup, vous pouvez y aller. Si vous le dites, hein. Pour les autres, quand je comprends pas, j'ai une technique personnelle. Ils y voient que du feu. Mais pour vous, c'est franc jeu. Si je comprends pas, je vous le dis. Entre nous, ça sert à rien de se raconter des histoires. Pas vrai? Je suis bien d'accord. Du coup, je me sens plus confiante dans le projet que j'avais d'épancher mes craintes. Et de votre côté, vous essayez de faire gaffe à pas me sortir des mots à coucher dehors. J'y verrai. C'est quoi votre technique personnelle? Une mode secrète. J'ai pas le droit de la dire. Comme vous voulez. Sinon, pour Angarade, j'ai bien fait ou pas? D'un côté, c'est risqué. Que vous admettez que vous panez rien à rien. Mais bon, c'est honnête. Hein, en plus, vous lui dites que c'est qu'avec elle. Non, ça peut avoir son charme. En tout cas, elle s'est pas payée ma tronche. Bon, bah tout va bien. Attendez, parce qu'après, elle m'en a sorti une. J'ai failli avaler ma cuillère. Qu'est-ce que vous foutiez avec une cuillère dans le boudoir? Non, c'est une expression. Avaler sa cuillère. Vas-y. Oh là là, j'ai avalé ma cuillère. J'espère que vous ne me trouverez pas cavalière. En même temps, je vous ai jamais vu à cheval. Comment? Je vous ai vu une fois dans une carriole tirée par un cheval. Enfin, la carriole tirée par un cheval. On peut pas juger sur ça. C'est comme vous. J'ai dû me voir deux, trois fois arriver au trot. Vous m'avez pas trouvé cavalière. Si? Vous lui avez pas dit ça? Attendez, c'est elle qui commence avec ses histoires de chevaux. Cavalier, ça veut dire désinvolte. Impertinent. Bref, vous êtes passé pour un con. Même pas! C'est ça le pire. Elle avait un truc hyper important à me dire, elle écoutait même pas le reste. Je sais que vous n'aimez pas brusquer les choses. Nous nous voyons, vous et moi, régulièrement, et il faut bien admettre, et c'est tout à votre honneur, que vous ne pressez pas les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait que je presse comme chose? Je ne sais pas. À votre place, certains chevaliers moins courtois que vous auraient depuis bien longtemps pressé certaines choses. Ah. Vous comprenez? Non. Personne n'est plus sensible que moi à votre bienveillance, croyez-le bien. Mais, je voudrais quand même vous rappeler que tant que nous ne décidons rien à propos de vous et moi... Ouais? Je reste servante. C'est-à-dire? L'officialisation de notre union, au-delà du grand bonheur qu'elle me procurerait, hein, serait aussi un magnifique moyen de m'extirper de ma condition. Ouais, c'est pas faux. Attendez, j'ai pas bité un seul mot. J'allais pas lui dire. Non, mais c'est vous qui avez parlé d'être honnête, hein. Non, mais honnête, d'accord. Mais si ça doit me faire passer pour un faisan... En gros, elle veut se marier pour plus être boniche, c'est ça? Pas que. Elle doit certainement avoir des tas de raisons de vouloir vous épouser. Je ne cacherai pas que ça reste un mystère pour moi, hein, mais ça doit faire partie d'un tout. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Bon, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas un conseil, sire? Ben, moi, comme Bonnie, je ne peux pas la blairer. Je vous dirais bien de l'épouser. Nous sommes en Gaule 50 ans avant Jésus-Christ. C'est pas hier. Nos ancêtres, les Gaulois, avaient été vaincus par les Romains après une longue, longue lutte. Toute la Gaule est donc occupée. Toute? Non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une région entourée des camps romains retranchés d'Aquarium, Babaorum, Laudanum et Petit Bonhomme, où Caius Bonus, le centurion à la mine patibulaire, fait depuis un quart de cadran solaire les 100 pas. Trois dans un sens, trois dans l'autre. Un, deux, allons les gars, je veux voir qu'un j'aime l'autre. Un, deux, section L, Moi, Caius Bonus, si je vous ai réuni ce matin, légionnaire, c'est pour vous dire que ça va changer. Et que cette dernière provocation a dépassé les bornes. Mais parfaitement, s'ils se mettent à 1 contre 4, eh bien ça, c'est plus du jeu. Qu'en penses-tu, Sacapuce? Eh bien, il y a un mystère dans la puissance de ces Gaulois, au Caius Bonus. Ah. Et il nous faut découvrir ce secret. César de Rome m'a fait savoir son mécontentement. Alors je m'adresse à vous, légionnaire, car il me faut parmi vous un volontaire pour aller espionner ces Gaulois. Eh ben, mes gaillards, devant l'afflux des volontaires, nous allons recourir au jeu des chaises musicales pour désigner ce fameux espion. Légionnaire Gugus, apporte-moi 5 tabourets. Voilà. Et comme vous êtes 6, dès que le trompette aura fini de jouer, tout le monde s'assiera. Et celui qui n'aura pas trouvé de place, eh bien, il sera l'espion tout désigné. Prêt, trompette? Allez, joue! C'est Caligula Minus qui s'y go. Vous avez triché. Je ne dirais pas, c'est les Gaulois, je ne dirais pas. Allons, bon. Caligula Minus. César te sera reconnaissant. Je ne dirais pas, c'est les Gaulois. Ah, je te fais embrocher comme un poulet, hein, si tu vas pas chez les Gaulois. Bon. Alors, je dirais, c'est les Gaulois. Bien. Légionnaire, déguisez-le-moi rapidement en Gaulois. Caius Bonus, oui. Viens vite, Caligula Minus est prêt. Légionnaire, enchaînez-moi vite ce Gaulois d'occasion. Mon bon Caligula Minus, voilà. Nous allons te promener tout près du village gaulois. Et quand les Gaulois, ils te verront, ils viendront te délivrer. Alors tu rentreras dans leur village, tu feras en sorte pour qu'ils te confient le secret de leur force. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? J'ai rien compris. Oh là, légionnaire, emmenez-le-moi. Je suis un beau Gaulois et un vrai Romain. Bouge. Voilà 2 heures que nous marchons et nous n'avons pas encore rencontré de Gaulois. Putain, ne crie pas si fort, on va les attirer, allons. Arrête, Bélix, arrête. Ouais. T'entends? Un bruit de chaîne. Ouais. Débrouille pas. Ouais. Des lamentations. Allez vite, grimpons au sommet de cet arbre. Je crois que nous allons nous dérouiller les muscles, mon bon Bélix. Par tous les dieux, j'aurais mieux fait de rester à Rome plutôt que d'aller chercher fortune et gloire dans les légions de César. Allons. Ma peau ne vaut plus insister. Allons, t'es quoi, Caligula? Tu seras le seul épargné quand les hordes gauloises nous tomberont dessus. C'est fait. Des Romains traînant un prisonnier gaulois, par exemple. Nous allons le délivrer. Par ce putain de chenier, aucune résistance. Les voilà, les Gaulois. Tout à qui, sans pas du smeuf. Bravo, Jamelot. Et voilà. Ouais. Dis donc, Bélix, je les ai trouvés rudement mous aujourd'hui. Bah, ils ont mauvaise mine. Oui, c'est vrai. Si j'ai bien envie de ranimer ceux que je viens d'assommer pour recommencer cette petite bagarre. Mais, mission accomplie. Caius Bonus peut dormir tranquille, et moi aussi. Merci. Allez, viens, Astérix. Emmenons notre Gaulois et rentrons au village, il se fait tard. Détachez-moi. Avez-vous des outils pour m'enlever ces chaînes qui me blessent, là? Les outils, c'est nous. Attends un peu, mon gaillard, que je te délivre. Doute pas, aïe. Mais, au fait, qui es-tu? Je suis Caligula Minix. J'habite Lutetia et j'étais venu passer quelques vacances en Armorique quand les Romains m'ont capturé. Hein? Bizarre. Ailleurs, les Romains sont en paix avec les Gaulois. Oui, mais à leurs yeux, avec mon air extrêmement futé, éveillé, oui. Ils m'ont pris pour un espion et m'ont fait endurer les pires souffrances. Ah. Bon, allez, marchons. Allez, viens par ici, avance, allez. Tu vois, notre village n'est pas trop loin, Caligula. Minix. Minix, oui. Et puis là, tu seras en sécurité. Ah, bah chic, alors chic, ouais. chic. Et pour te refaire, tu mangeras ce soir un sanglier bien cuit à la dolmen avec quelques châtaignes. Oui. Miam, miam, miam. Mais auparavant, présentons-le à notre chef bien-aimé, à bras raccourcis. Oh, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Voilà trois beaux sangliers bien dodus. Oui. Hein? Un pour Obélix. Merci. Voilà. Oui. Un pour moi. Voilà. Et un pour notre invité. Oui. Oh, ils sont dodus. Écoute, oui. Ne les laissons pas refroidir. Ah, oh, table à l'invité. Alors, à table. Oh, merci. Oh, mais oui, je suis sidéré. Hein. Ah. Oui, en visitant votre village, j'en ai appris des choses. Ah oui? Par Zub, par qui? Non, je par tout ami, tout atis, oui. Tout atis. Ah, bon. Je crois que tu le sais, mais... Par tout atis, oui. Disais-je. le forgeron, c'est automatique, tape sur l'enclume à poids nus. C'est ordinaire. Et toi, Obélix, tu portes les menhirs comme des plateaux. Oui. Mangeons, ça va être... Vous êtes tous doués d'une force surhumaine. Par Zubis, par qui? Par Tétatis. Je ne pourrais jamais manger tout ça. Oui, eh bien, écoute, mon petit, ne cherche pas à savoir le secret de cette force, n'est-ce pas? Alors, tu manges? C'est parfait. Ils sont trop gros. Comment ils sont trop gros? Non, mais c'est pas juste. Et si on ne se dit pas tout entre Gaulois? Si j'étais fort, moi, comme vous, j'aurais de l'appétit. Je pourrais traverser les lignes romaines et regagner Lutetia là-bas. Ma famille s'inquiète. Mange ton sanglier. Oui, allez, mange. Oh. Oui, mais dis, qu'est-ce qu'on peut faire, Obélix? On va lui manger son sanglier. Il est refroidi, son sanglier. Toi. Non, écoute, Obélix, moi, j'ai une autre idée. Ah. Allez, viens. Caligula, voilà. Bon, nous allons voir le druide. Oui. La nuit vient de tomber, et comme c'est le sixième jour de la pleine lune, le druide doit sûrement cueillir du gui en ce moment. Allez, viens, allons le trouver. Voilà, nous sommes arrivés. Je t'ai déjà dit, Astérix, de ne pas me faire sursauter quand je travaille de la serpe. Je me suis encore coupé le doigt. Alors, bon, que veux-tu? Moi, rien. Mais c'est notre ami Caligula Minix. Voilà, qui aimerait connaître le secret de notre force. Pas question. Oh non. Je vous en prie, oh druide. Je voudrais tant rentrer chez moi pour reprendre mon travail. Là-bas, à Lutetia, je suis guide touristique et je fais visiter la ville la nuit aux barbares venus faire du tourisme. Oh, druide, je t'en supplie. Non. Bon, j'ai compris. Je vais rentrer chez moi. Moi, je vais essayer. Car si je tombe à nouveau entre les mains de ces Romains, ils m'emmèneront à Rome. Et là-bas, au jeu du ciel, je serai dévoré par les lions. Et à chaque bouchée de ces bêtes cruelles, je dirai, c'est la faute à Panoramix, le druide. C'est la faute à Panoramix, le druide. Panoramix. Allez, adieu. Reviens. Caligula Minix. Rentrons au village. Je vais préparer la potion. J'ai assez cueilli de gui pour ce soir. Oh, par belle noce, quelle marmite géante Panoramix a préparé là. T'as raison, Abobrix. Notre druide est un être fantastique. Apporte-moi l'écumoire sous les tropiques. Il faut que Caligula Minix boive la meilleure des potions. Il a besoin de force pour retourner à Lutetia. Mais plus la potion est forte, et plus les effets se dissipent vite. Ça ne dit rien, je boirai toute la marmite. Ah, et voici. Merci. Oh, c'est chaud, hein. Ah, mais c'est bon. C'est bon, on dirait du potage aux poireaux pommes de terre. Oui, je peux faire plusieurs parfums. Soupe aux poissons, minestrone, poireaux pommes de terre, canard à l'orange et praliné. Allez, bois. Ah, ouf. Alors. Eh ben, ça ne fait rien du tout. Ah, oh, mais non. Essaye de soulever cette pierre là-bas. Oui, oui, là-bas, oui, c'est là, la grosse pierre. Oh, je ne pourrais jamais. Mais si, mais si, mais si, allez. Attends. Oh, c'est pas grave, mais j'en jongle avec, allez, oui. Attention, ça y est, j'en étais sûr, il a couru sur le croix, allez, sortons-le de la lessamie, là. Tu t'es pas fait mal, non? Non, pas trop. C'est la tête. Ah, la tête, Si notre chef, un bras raccourci, n'y voit pas d'inconvénient, que notre barde assurance tout risque donne le signal de la fête. Ah, et qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons danser. Allons, Gaulois, on commence. En deux rangs séparés. Cinq d'un côté, cinq de l'autre. Un pas en avant, un pas en arrière. Les avances, les autres reculent. Saluez, tournez, allez. Pour la main, quelques minutes. Avancez, un par an. Et maintenant, tirez-vous les moustaches. Ta moustache peut rester dans la main. Ah, mais ce sont des moustaches amovibles. Amovibles? Oui, c'est le dernier cri à Lutetia. Ah, le dernier cri. Arrêtez la musique, Gaulois. Caligili Minix n'est pas un Gaulois, mais un espion romain. Attrapez-le. Par ma serpe d'or, nous ne pouvons rien contre lui. Pourquoi? Il vient de boire la potion. Mais heureusement que l'effet de cette potion n'est que passager. Caligula Minus est arrivé à toute vitesse devant le camp romain de petits bonhommes. Boum. Ave, Caius Panus. Réveille-toi, j'ai le secret de la force des Gaulois. C'est une potion magique. Une potion magique? Où est-elle, cette potion? Dans mon petit bedon. Bon, nous allons voir. Arrivez, légionnaire, arrivez. Voilà. Oh, Sextilius, c'est trop drôle. Regarde-moi ce gringalet. Ah, tu as raison, Pompilius. Mais que nous veut-on? Allez, Caligula. Caligula. Oh. Balé. Caligula Minus, moriturite. Caligula. Et voilà. Voilà ce que j'en fais. Mais c'est prodigieux. Oui. Il me faut absolument cette potion. Si j'absorbe une bonne rasade, je deviendrai Caius César. Pour cela, je vais organiser une petite embuscade. Une de ces bonnes vieilles embuscades dont seul j'ai le secret. Ces embuscades par Jupiter ne me disent rien qui vaille. Tu as raison, Lucullus. Mais quand je prépare un piège, je suis sûr que l'on tombe dedans. Et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, le droïde gaulois passera par ici. Il y a sur ce chêne la plus belle boule de gui de toute la région. Allez, en avant, hein. Allez, en avant, allons. Nous le tenons, le droïde. Et en fermant le vide dans cette cave. Allez, les gars! Allez, non, c'est vraiment la plus belle prise de la décade. Légionnaire, en route pour Petit Bonhomme, allez en avant. Allez, nous voici arrivés à Petit Bonhomme. Légionnaire, Ave Caius Bonus, ton idée a été couronnée de laurier. Nous tenons le druide. Ça va très bien. Légionnaire Octopus et Légionnaire Gibus. Voilà. Emmenez-moi ce vieillard dans ma tente. Oui. Après une petite séance de torture, allez, il nous livrera son secret. Quintilius, Quintilius, arrive vite avec tes plumes d'aigle pour lui chatouiller les pieds. Oui. Pendant ce temps, dans le village gaulois... Oh, Enfin, Astérix, tu ne vas pas partir à la recherche de notre druide dans cet état, et voyons. Pourquoi donc ? Ah, il y a trop longtemps que t'as pas bu de potion magique. Mais ne t'en fais pas, mon bon Obélix. Je veux savoir ce qui est arrivé à notre ami Panoramix. Ouais. À chaque fois qu'il part dans la forêt, c'est curieux, je m'inquiète, moi. Allez, à tout à l'heure, Obélix. À tout à l'heure, Astérix. Vive les Gaulois. Panoramix ! Oh, druide ! Et où est-il ? Panoramix ! Oh, c'est bizarre, personne ne répond. Oh, tiens, je suis au carrefour de la voie romaine nationale 5. Et voilà un marchand de paille sur son char. Marchand ! Hé, marchand ! N'as-tu pas vu par hasard passer un druide dans les parages ? Oh, mais voyons, mais arrête donc ton char ! Oh là, oh, oh, oh, oh. Un druide ? Oui, un druide. J'en ai vu passer un, enfermé dans une cage, tout lu par des légionnaires et se dirigeant vers Petit Bonhomme. Oh, eh bien, marchand de paille, conduis-moi à Petit Bonhomme. Mais c'est pas mon chemin. Moi, je vais à Aquarium, au salon du char d'occasion. Oui, bah écoute, tu iras l'année prochaine. Allez, en route, l'ami, en route. Alors, allons-y si tu veux. Les bœufs sont tout neufs. Eh ben, tu vois. Suivons le bœuf. Eh ben, nous y serons vite, allez. Je tâcherai de faire des affaires là-bas. Tiens, voici déjà les fortifications de Petit Bonhomme. Hey, que transportes-tu dans ton char, maintenant? Je viens délivrer Panoramix, notre druide. Passage, s'il vous plaît. Quoi, mais ne laisse pas sortir, légionnaire. Marchez au puce, c'est un de ces redoutables Gaulois invincibles, gavés de potions magiques qui viennent entrer là-dedans. Quoi? Légionnaire, en position de siège. En position de siège. Oui, lance en avant. Dos courbé. Tenez-vous prêt. On se tient prêt. Je vais lui parler, moi. Alors, rame-toi, Gaulois, sinon je vais donner l'ordre à mes braves de passer à l'attaque. Oh, tu as bien parlé. Alors, il se rend, oui ou non? Ça m'énerve d'attendre. Oh, oh, attention, attention, le voilà, c'est moi, les Gaulois. Attention. Je jette mon arme à tes pieds, centurion. Comme l'a fait notre chef, Vercingétorix, à ton maître César. Oh, les larges. Mais voyons, je me rends. Alors, faites quelque chose, dépêchez-vous, j'ai pas de temps à perdre, moi. Quelque chose, quoi? Si c'est cet homme, pleutre, capon, foussard, où je vous fais dévorer par les cirques du lion, par les lions au cirque. Cirque, oui. Par les lions. Oh, bah alors, allons, on a pas les amis, on s'en lui dessus, là. Maintenant qu'il est enchaîné comme un salami, catapultons-le dans la tente des tortures avec le vieux druide. Voici donc réunis tous les deux. Eh oui. Je suis sûr que toi, le petit, le coup que tu connais le secret de la potion magique. Quoi? Pas du tout. Oh, pour la dernière fois, druide, donne-moi ça. Le torturé? Oui, parfaitement. Et moi, j'ai confiance dans le courage de mon ami Astérix. Ah, ta confiance dans le bourreau, nous allons voir ce que nous allons voir. Que l'on convoque le bourreau. C'est ça, le bourreau. Et attachez-moi ce gaulois sur cette table. Ouais, ouais, c'est petit. Le bourreau. Oui, le bourreau. Eh bien, me voilà. Je suis tout à fait pour ce genre de choses. Oh, Caius Bonus. Allez, légionnaire, attachez-le. Ouais, allez, allez, allez, petit. Mes jambes, mon doigt, mon petit doigt, arrêtez, pour l'amour de toutes les chiens, arrête, mais j'ai pas encore commencé mon travail. Ça fait rien. Alors, druide, j'attends. Sinon, il en cuira ton ami, hein. Je veux bien le préparer. La potion devant toi. Bon. Mais il me faut beaucoup d'ingrédients. Tu auras tout ce que tu voudras. Légionnaire, escortez le druide, s'il doit aller hors du camp. Hein. Je garde l'autre, là, le petit, comme otage. Mais j'ai pas du tout l'intention de bouger d'ici. Apportez-moi une grande marmite. Grande marmite. Et envoyez du personnel cueillir du gui. Bon, alors vous avez compris, vous autres, là. Des racines aussi, hein. Et de la luzerne. Et de la salade. Oui, la salade, quelle salade? De la romaine. Oui, et bien ça, c'est l'affaire de Sacapus. Alors, avec ces éléments de base, nous pourrons commencer dans quelques instants à allumer le feu. Voilà une pincée de sel. Laissons mes autres. Voilà, c'est prêt. Ah, bravo. Il n'y a plus qu'à servir, son. Allez, sortons la marmite de là. Allons. Des forces des cuples ronds. Et tu... Non, je demande un volontaire. C'est-à-dire que... Sors somme corda, plutôt que de risquer, prenons plutôt un être... par exemple. Voilà l'espèce même du pigeon. Bim. Oh, tu prendras vite ça. Allez, amenez-moi là. Eh, viens ici, toi. Lâche-moi. Avez, mon ami. Je suis ravi, bonhomme. Eh bien, veux-tu, c'est l'embreuvage. Non. Je repars, fuyé. Tu vas goûter, hein, par Jupiter. Peut-être, on n'a pas une idée. Mais oui, c'est le goûter. Enfin, allons, c'est sûr. Allez. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? Rien. Marchand de paille, après avoir bu cette potion, tu seras l'homme le plus fort du monde. C'est encore une farce. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Allez, marchand de paille, frappe quelqu'un. Allez, venez vous autres, frappez. Un volontaire pour un coup de poing, alors. Non, je ne suis pas pris avec personne, moi. J'aimerais quand même un peu plus d'enthousiasme quand je demande un volontaire, non? Eh bien, moi, je suis volontaire. Bien. Frappe, marchand. Bon. Alors, je frappe un petit coup, hein. Allez, vas-y. Il t'a fait mal. Le ciel m'est presque tombé sur la tête. Bon, eh ben, puisqu'on n'a plus besoin de moi, je m'en vais à Baba Ourom vendre mes bœufs, hein. Je reviendrai vous voir dans deux décades. C'est très bon. Légionnaire, buvez après moi. Hein. Vous pouvez boire sans hésiter de cette potion magique. Commence. La route de Rome nous est ouverte maintenant. À toi, Saint-Capuré. Merci. Et toi, le druide, consigne par écrit la recette de cette potion. Hein. Car une fois que je l'aurai par écrit, je me débarrasserai de vous, Gaulois de malheur. Et ce sera, tu entends, sa capuche, ce sera pour eux une leçon. Près au menton. Bon, allons maintenant mesurer notre force, sa capuche. Bene. Oui, nous devons commencer à être invincibles, hein. Allez, soulevons un peu cette roche. C'est ça. Allez, toi, Cagus Bonus, viens m'aider, toi. Attends. Rien à faire. Mais non, je crois que nous avons vu trop grand. Attends, on va essayer ce caillou-là. Hein. Allons-y. Ça y est, je suis un surhomme. Je le tiens à bout de bras. Mais Caillus Bonus, ce caillou ne pèse pas plus lourd que mon casque. Tiens, je suis là. Mais c'est vrai, ça. Aïe, mon pied. Oh là là. Oh, mais dites, attrapez-moi ces Gaulois. Attrapez-moi ces Gaulois, là. Ils m'ont trompé, ces Gaulois de malheur. Attrapez-moi ces Gaulois. Pourquoi nous attraper? Comment? Puisque nous te suivons pour constater les effets de la potion. Mais ce n'est pas une potion magique, ça. Comment que si? Oh, par Jupiter, c'est épouvantable. J'ai des démangeaisons sur tout le visage. Décurion, avant de venir me trouver. Pourquoi que ce soit, je te donne l'ordre d'apparaître rasé. Un bon légionnaire se doit toujours d'être glamour. Peut-être, centurion, mais... Oh, y a ce que ça gratte. Un bon centurion, ça doit te donner l'exemple. Et toi, tu es barbu comme un mongol. Mais par Jupiter, que vous arrive-t-il? La barbe vous pousse aussi, légionnaire? La barbe et les cheveux. C'est à une vitesse terrifiante. Oui, c'est... Druide, quel est donc ce prodige? C'est une vieille recette de l'océan Capitole. Extrêmement puissante. Ça se voit. Et vous, Romain, vos barbes et vos cheveux vont pousser sans arrêt à très grande vitesse. Ah ben voilà autre chose. Misérable Gaulois, si vous ne me donnez pas du contrepoison, je vais vous tuer. Attention, si tu nous tues, tu n'auras pas de contrepoison. D'ailleurs, Panoramix et moi, nous nous sentons ce soir un peu fatigués. Nous allons nous retirer sous notre tente. Non, ne pars pas. D'accord. Mais ne prends plus un rebrousse-poil, mon camarade et moi. Je m'avoue vaincu. je vous rends la liberté si vous me donnez du contrepoison. À vrai dire, je n'ai plus guère envie de travailler. Mais non, il a un poil dans la main. Oh. et un cheveu sur la langue. Alors, exceptionnellement, je vais vous aider. Ah, bravo. Il faudra encore aller chercher quelques ingrédients en forêt. Oh, par ma barbe naissante, vous aurez une escorte. Et dès que j'aurai absorbé ce contrepoison, vous supprimerez Gaulois de malheur. Panoramix prépare sous la tente la mystérieuse potion magique sous le regard étonné d'Astérix. Et pour cause. Vois-tu, Astérix, oui, dans cette petite marmite, j'ai préparé de la potion magique. Parfait. Car j'ai l'impression que nous aurons besoin de muscles pour sortir d'ici. Ah, c'est oui, alors. Et là, dans cette grande marmite, je prépare le contrepoison. Ah bon? Tu veux la recette? Mais si tu veux. Bon os à moelle. Oui, bon. Des légumes. Du sel. Du sel, d'accord. Un bouquet d'herbes. Un bouquet, mais dis donc, c'est un poteau fait que tu me fais là en ce moment. Et comme nous devons y goûter devant les Romains, autant faire un bon repas. Ah, ben c'était ça, bon, parfait, très bien. Oui. Maintenant, Astérix, bois ta potion magique. Attendez, mon bon panoramix. Je suis en pleine forme. Et voilà. Maintenant, Romain, à la soupe. Allez, à la soupe. Et Panoramix, aide-moi à sortir la marmite de là. Allez. Quoi? C'est prêt? Bon, alors, Gaulois, pas d'affolement, hein? Gaulois, goûtez les premiers. Ah, bravo, la confiance règne. Oh, c'est pas mauvais du tout. Mais je crois qu'avec des croûtons, ce serait meilleur. Ah. À votre tour maintenant, Romain. Oh, mais qui me prouve que cette potion empêche la croissance des cheveux, Tu es rusé, hein, Romain. Eh bien, regarde mes moustaches. Tu verras qu'ils ne poussent plus. Oh, Jupiter, mais c'est vrai. Alors, je vais goûter. Bon, eh bien, vous, légionnaires, vous avez goûté. Et maintenant, attrapez-moi ces Gaulois, légionnaires, attrapez-les-moi. Alors, avec joie, Attends un peu, c'est capuche. Je me tiens, tu te tiens par la barbe. Et on sait qu'il y a du délai. Et moi, je vais te faire tourner comme une toupie. Lâchez-moi, maman. Au secours. Vous m'envoyez dans la lune. Au milieu de la porte. Allez, maintenant, panoramique, c'est filon. C'est cependant bien dommage, parce que j'ai commencé à m'amuser, moi. Moi aussi. Bah, des rétros ne passent pas. Oh, quel dommage. Et voilà, un de plus de calmé. Mais partout à tous. Mais que vois-je? Des tas de Romains. Oh. Il en vient également par là. Mais oui, ça me rend ah, mes gaillards, on se retrouve, hein. Voici les renforts qui arrivent à point nommé. Eh bien, cette fois, je vais vous faire embrocher. Oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente d'urgence. L'urgence, c'est ta fête. Tiens, c'est bizarre, ça. Bon, j'y vais, hein. Ah, mais par Jupiter, mais qui est-ce donc traîner son manteau chez moi? Oh, à César, ce qui lui appartient. Oh, par Jupiter. Jules César. Eh oui, je suis venu pour voir où tu en étais avec ces irréductibles Gaulois. Ah. Mais quelle est donc cette agitation? Ben... Je n'ai pas été reçu avec les honneurs dus à mon rang. C'est que, justement, nous étions en train de lutter avec eux. De... Combien sont-ils? Eh bien, ils sont de... Par Cléopâtre, montre-moi ce redoutable duo capable de tenir tête à toute une garnison. Et nous voilà, Jules. Explique-moi ce qui se passe ici. Eh bien, mon cher Jules, Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une de nos potions magiques. Qui l'aurait rendu invincible. Et qui lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Tiens. Non, je vais tout vous expliquer. Inutile. Tu vas aller te raser, centurion. Me raser, oui. Tu n'es qu'un infâme, conspirateur. Très bien. Non. Dans un quart de cadran solaire, tu vas partir avec tes hommes vers la Mongolie extérieure. Ah, la Mongolie. Il y a là-bas des barbares qui s'agitent. Ah. Et je vais mettre en place des troupes fraîches ici. Fraîches. Quant à vous, Gaulois, en échange de ce service rendu à César, je vous rends la liberté. Merci, Jules. Une liberté d'ailleurs toute provisoire. Car j'ai bien l'impression que nous nous retrouverons. Mais j'y compte bien, Jules. Allons. Rentrons au village. Tout le monde doit nous attendre. Tout est bien qui finit bien, comme dans toutes les histoires d'ailleurs. Durant toute la nuit, sous le ciel étoilé et la lune brillante, le village gaulois fêta nos héros vainqueurs des terribles Romains, grâce à la ruse, à la magie et à la protection des dieux.